Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Les lois de l'initiation solaire ». C'est ça? Ça a l'air à ça. L'initiation solaire, tu as déjà fait des conférences précédemment sur les différents types d'initiation. Il y a une initiation solaire et lunaire. Avant qu'on commence à aller plus loin, l'initiation solaire, j'aimerais que tu fasses la distinction entre les deux. Il y a une personne qui s'est déjà amusée à dire, c'est un alchimiste, que initiation, c'était aussi comme ignition. Et igni, c'est le feu. C'est ce qui fait en sorte qu'une personne se réchauffe. Et quand on parle d'initiation, on parle d'un réchauffement psychologique au départ, donc un réchauffement spirituel. Par la suite, on parlera d'un réchauffement mental lorsqu'un individu est rendu à un niveau où il est capable de mentaliser. Et on parlera d'un réchauffement espritique, donc un réchauffement supramental, lorsque l'individu est capable d'intelligencer. Quand on parle d'initiation, on parle nécessairement d'apprentissage aussi. Alors, on pourra faire référence aux initiés du passé. Quand on parle d'une personne qui est un initié, on fait référence à un individu qui a subi une initiation. Normalement, on emploie le terme « subi ». Ah. Oui, parce qu'initiation, on associe ça à douleur, souffrance, passage difficile. Alors, un initié, c'est normalement une personne qui a été initiée, qui a subi l'initiation et qui maintenant est au courant, on dira initié, donc au courant de certains mystères relatifs à son initiation. Donc, quelqu'un qui rentre dans les chevaliers de Colomb va vivre une initiation et par la suite, s'il est initié, eh bien, il sera au courant de certains mystères des chevaliers de Colomb. Quelqu'un qui est initié de l'ordre rosicrucien à un certain niveau, eh bien, après l'initiation, s'il passe, il sera donc au courant de certains mystères de la Rose-Croix. L'initiation, c'est donc toujours un processus qui fait en sorte qu'un individu part d'un état où il ignore et aboutit à un état où il sait. Entre les deux, pour qu'on puisse parler d'initiation, entre les deux états, on a normalement un très court laps de temps. C'est ce qui fait la différence, surtout entre l'initiation lunaire et l'initiation solaire. L'initiation lunaire, vous partez d'une étape où vous ne savez pas, vous allez finir à une étape où vous savez. Ça peut prendre beaucoup de temps. L'initiation solaire, ça sera la même chose, on peut partir du même point, arriver au même point, mais dans un laps de temps beaucoup plus court. Quand je dis beaucoup plus court, on pourrait employer le terme dans un laps de temps étranglé. Ça va avec subir, ça va avec souffrance, avec tout ça. Hein? C'est un peu ça. L'initiation solaire, c'est ce qui, dans la tradition ésotérique, même dans la tradition spirituelle, va être recherché par les égos. Un égo fonceur, normalement, recherche une initiation solaire parce qu'il se dit, moi, je ne veux pas aller à la petite école, là, j'aimerais ça faire ça vite. Et l'initiation lunaire, eh bien, c'est une initiation où est-ce que ça va plus lentement. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus embêtant, c'est beaucoup plus dégueulasse. Sauf que ça ne paraît pas, ça paraît moins que c'est problématique. L'initiation solaire, ça peut être dangereux, par contre, de façon dont tu dis. L'initiation solaire, ignition, il y a effectivement des individus qui... Normalement, quand on vit une vraie initiation solaire, c'est facile de savoir si on a réussi. Si on est encore en vie, normalement, on a réussi. On parle d'une initiation, on parle d'une vraie, là. D'une puissante initiation solaire. C'est que ça, la compression du temps fait en sorte que les événements vécus sont plus intenses. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus intense. C'est plus dangereux. C'est un peu, vous regardez un film d'horreur et puis disons que vous pourriez le regarder en accéléré sans rien manquer. Ben, vous auriez plus d'horreur à la seconde, ce qui fait qu'il faut avoir une psychologie plus solide. Hein? Bon, si on regarde un film drôle puis on a, en accéléré puis on a le temps de rien manquer, ben, on va rire beaucoup plus à la seconde, ça fait qu'il faut une bonne rate. Si elle a dératé, la rate qui se dilate, à un moment donné, ça crée des problèmes. Alors, c'est un peu la même chose avec l'initiation. Avec l'initiation, c'est qu'on va vivre un paquet d'événements. Et quand on parle d'événements, on ne parle pas d'une automobile qui traverse, qui passe, etc. On parle d'événements énergétiques, c'est-à-dire qu'on va vivre dans notre conscience une démarche qui est beaucoup plus rapide que la démarche conventionnelle qui, normalement, est donnée à ceux qui vivent l'initiation lunaire. Maintenant, pour vivre une initiation lunaire, c'est pas nécessaire de comprendre, c'est pas nécessaire d'être présent, donc d'être vivant, c'est-à-dire qu'on peut être totalement mémoriel, on peut être dans les vapeurs du passé. C'est pas nécessaire d'être solide physiquement, c'est pas nécessaire d'être solide endocrinalement, ce n'est pas nécessaire non plus d'être solide au niveau de sa logique. On peut être spirituel, on peut être totalement manipulable par les choses les plus grosses de la manipulation, les choses qui ne sont pas subtiles. On peut être manipulable par la température. Il pleut, on chiale, il neige, on chiale, il fait beau, on chiale, il fait trop chaud. On chiale tout le temps. Sinon, on peut vivre une initiation d'une heure sans être nécessairement un être humain conscient de sa démarche. Sans se rendre compte qu'on vit une initiation. On ne sait même pas. Souvent, on ne le sait pas. Alors, on va chialer parce qu'il pleut, parce qu'on s'imagine qu'en chialant, il va faire plus beau. T'sais. Alors, on chiale tout le temps, on se rend compte de rien, on achète des billets de loterie. Et puis, on sait qu'on ne gagnera pas, on le dit d'avance, on se fait tirer aux cartes, puis on dit qu'on ne croit pas à ça. Puis bon, tu sais, c'est une initiation lunaire, quoi. Et puis, par contre, l'initiation solaire, c'est un peu plus compliqué. Il faut que l'individu soit conscient. Donc, pour vivre une initiation solaire, il faut déjà être conscient. Conscient de quoi? Conscient de soi, conscient de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir. Pour vivre une initiation solaire, c'est pas nécessaire de savoir ce qu'on fait sur la Terre. On va le savoir après. C'est pas nécessaire de savoir qui on est cosmiquement. On va le savoir après. Hein? Donc, pour vivre une initiation solaire, faut pas déjà l'avoir fini. Parce qu'il y a des personnes, à un moment donné, qui vont se dire « Ah oui, mais moi, je suis pas prêt. Moi, je suis pas prêt. Pourquoi? Ah, ben il y a ceci que je fais pas, il y a ça que je contrôle pas. » Ben oui, justement, t'as pas vécu l'initiation. C'est logique. Être prêt à vivre une initiation solaire, c'est d'être capable, c'est d'être conscientisable. Et conscientisable, il y a une nuance entre conscientisable et spiritualisable. Grosse nuance. Dans la spiritualité, on vit de l'initiation lunaire, une initiation lunaire qui, dans certains cas, a des caractéristiques de l'initiation solaire. Sauf que c'est toujours débilitant, c'est-à-dire que c'est les autres qui vont vous reconnaître, vous n'aurez rien compris de plus. On prend un exemple d'initiation lunaire à caractère solaire, les martyrs de la chrétienté. Ils ont tout compris ce qu'ils avaient à comprendre, on les martyrise, ils ne comprennent rien de plus, mais nous, on se met à les adorer. Alors, c'est comme une initiation solaire, en ce sens qu'ils vont souffrir, ils ont des problèmes, etc. Mais ça ne les fait pas plus évoluer. Normalement, ça les enfonce un peu plus dans leur croyance. L'initiation solaire, c'est quelque chose qui va, de toute façon, arriver à tous les humains qui ont une conscience de leur évolution. Qu'on ne décide pas encore là quel genre d'initiation va suivre? On va subir? On ne décide pas, mais on peut orchestrer la façon dont on va la subir. On peut la provoquer? Non. Non, l'ego va provoquer l'initiation lunaire qui va ressembler à l'initiation solaire. Il va provoquer un coup de poing en plein visage, c'est tout. C'est... Non. Premièrement, donc, toutes les personnes qui sont conscientisables et qui sont conscientes de leur démarche vont passer par l'initiation solaire. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient de sa démarche? Qu'est-ce qui différencie l'animal de l'homme? L'homme peut faire une maison, il sait qu'il peut faire une maison, il peut construire une automobile, il peut écrire un livre, il peut faire des choses. L'oiseau peut faire un nid, l'orignal marche dans la forêt, quand il veut se coucher, ben, il vient en reculant sur ses traces, il change de côté pour mêler les odeurs pour que le loup ne puisse pas le retrouver. Bon, il y a plusieurs choses qu'on sait, les animaux vont aller s'abreuver, et si possible, sous le vent, pour sentir quelqu'un, qui a un animal qui approche, mais pour qu'on ne puisse pas le sentir, enfin ceux qui vont le sentir sont l'autre bord du lac, donc ou de la rivière, c'est moins pire. Eux savent ces choses-là. Nous, on sait construire des choses. Qu'est-ce qui différencie l'animal de l'homme? C'est que l'animal sait des choses, mais l'homme, lui, il sait des choses, sauf que l'homme, il sait qu'il sait. On appelle cela la conscience. Vous savez que vous savez, alors que les animaux, eux, savent. C'est fini là. Ils savent pas qu'ils savent. Bon, une grosse nuance. Il s'en va, l'animal s'en va boire au lac, mais il ne sait pas qu'il sait qu'il faut qu'il se place contre le vent. C'est ça, il se place comme ça, puis c'est logique, c'est parfait, mais lui, il n'a pas la conscience, il ne peut pas s'arrêter puis dire « Crime, c'est brillant. » Non, ça, fini là, ça, il ne sait pas ça. Mais il le fait. C'est ce qu'on appelle l'instinct. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Nous, on sait. Donc, on a une conscience en plus de l'instinct. On a une conscience. On a aussi une conscience au-delà de la mémoire, c'est-à-dire qu'on mémorise des choses, les animaux mémorisent. Votre chien, votre chat, votre serin, votre anaconda peut apprendre des tours. L'anaconda, il fait un cercle, le serin se dépose dessus, le chien saute dans le cercle de l'anaconda, puis le chat bouffe le serpent. Bon, c'est. On peut leur montrer des tours. Mais, encore une fois, ils ont de la mémoire comme nous, mais eux ne savent pas qu'ils ont de la mémoire. Ils ne savent pas qu'ils mémorisent. Ils ne savent pas qu'ils se remémorent. Nous le savons. Nous savons que nous le faisons. Donc, on a une conscience au-delà de la mémoire. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent en conférence, c'est que l'être humain n'est pas que de la mémoire, mais bien souvent, il pense être que de la mémoire. Comme l'être humain qui se dit « Moi, je pense. » Vous ne pensez pas. Vous savez que vous pensez. Donc, la pensée, ce n'est pas vous. Vous êtes un observateur. Et que l'être humain qui dit « Je vais cesser de penser », puis ça continue à penser, c'est la preuve que ce n'est pas lui qui pense. Par contre, on a une conscience. On va passer des petites étapes, on va revenir à l'initiation solaire. Notre conscience, elle est là. Moi, je parle souvent de l'animal humain, pas de façon péjorative, et je le compare à l'être humain. Entre l'animal et l'animal humain, il y a l'animal sait, l'animal humain sait qu'il sait. L'être humain, lui, il sait qu'il évolue. Il sait qu'il s'améliore. C'est-à-dire, il sait qu'il vit une démarche. Et là, il y a une nuance. Enfin, c'est évident qu'on peut jouer avec les mots pour faire ce que l'on veut avec les mots. Un animal humain sait qu'il sait, mais il n'est pas conscient qu'il est en progression. On va dire, par exemple, vous apprenez la médecine, et au fur et à mesure que vous apprenez des choses, vous travaillez sur un logiciel d'ordinateur, et au fur et à mesure que vous découvrez des parties du logiciel, vous êtes conscient que vous apprenez. Vous en avez le goût, énergétiquement, ça vous motive. Vous savez que vous êtes sur une démarche. Vous apprenez des choses, ça vous sert de plus en plus, vous allez aboutir. Mais dans l'évolution spirituelle, la majorité, tous les animaux humains ne peuvent pas faire ça. Donc, la majorité des êtres humains, enfin, ou des humains, ne sont pas conscients d'être dans une démarche. Ils savent qu'ils sont dans une démarche, mais ils ne savent pas qu'ils savent qu'ils sont dans une démarche. L'animal sait, l'animal humain sait qu'il sait, l'être humain sait qu'il sait qu'il sait. Alors, je suis, par exemple, moi, conscient que je vis une démarche évolutive. Ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de comprendre que de temps en temps, je suis manipulé, que de temps en temps, je me fais ramasser, je fais une rechute, parce que je suis conscient de mon évolution, jamais ça ne me traumatise. Donc, je ne me culpabilise jamais, je ne me déteste jamais, je ne me trouve jamais laid. Oui, mais tu viens de faire telle chose, ce n'est pas moi, je suis conscient de la mécanique, donc je ne peux plus me laisser embarquer. Alors que celui qui vit une démarche d'animal humain, celui qui sait qu'il sait, mais qui ne sait pas qu'il sait qu'il sait, la spiritualité souvent, il va vouloir faire le bien. À un moment donné, en faisant le bien, il fait le mal. Il se déteste, il se maudit, il se trouve faible. Certains se flagellent, d'autres vont se punir de différentes façons. Certains vont faire des chemins de croix. On essaiera de se punir pour se faire pardonner. Parce qu'on n'a pas compris qu'on est dans une mécanique. Il n'y a pas la conscience de l'évolution, mais il y a la conscience de la mémoire. Je sais que je sais, il y a une conscience qui est présente, mais je ne sais pas que je sais que je sais, donc il n'y a pas la conscience de l'évolution. Tous les êtres humains qui, progressivement, et la majorité de ceux qui sont ici ou de ceux qui écoutent et qui ne sont pas là, la majorité des êtres humains qui sont dans une démarche de conscientisation vont nécessairement finir à un moment donné par avoir une conscience qui va se détacher, ce sera eux autres, plus réellement eux autres que la mémoire de leur être-té, une conscience qui va faire en sorte qu'ils vont réellement savoir qu'ils évoluent. L'évolution, c'est un réchauffement. L'évolution, c'est comme si... Bon, un bonhomme du passé a dit un jour, l'évolution, c'est se rappeler ce que l'on sait déjà. C'est vraiment faux. Ou c'est faussement vrai. C'est faussement vrai. L'évolution, c'est une chose, la conscientisation, on pourrait dire, c'est une autre chose. La première, l'évolution, c'est lorsque on s'adapte. C'est une évolution darwinienne, par exemple. On s'adapte. On s'adapte aux mécanismes, on s'adapte aux lois de Dieu, on s'adapte à la pluie, on s'adapte, on évolue. Alors, à un moment donné, il y a une guerre, on finit par s'habituer à la guerre, on ne souffre plus de la guerre, on s'est fait une philosophie de la vie, on s'est adapté. La conscientisation, elle ne s'adapte pas. Elle travaille pour être capable de découvrir les clés qui vont lui permettre de contrôler les mécaniques d'adaptabilité pour adapter le cadre à ce que nous sommes ou à ce que vous êtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné que l'être qui évolue voit des choses stupides, voit la mort, voit la maladie, crée une philosophie de la vie, donc il n'est pas conscient de la mécanique, mais il sait qu'il sait, et il crée une philosophie de la vie pour lui permettre de traverser son ignorance. Celui qui se conscientise, il voit la maladie, il la trouve stupide. Il trouve cela dégueulasse, trouve cela inintelligent. Il peut comprendre la mécanique de la maladie, karma différé, karma collectif, karma réincarnationnel. Il peut comprendre la mécanique. Mais même s'il comprend la mécanique, énergétiquement, il a chez lui une lumière, il y a quelque chose qui lui fait en sorte qu'il sait qu'à un moment donné, il va atteindre un point où il va être totalement détaché des assujettis de la mécanique évolutionnaire. Donc, il sera dans une mécanique de conscientisation et il sait comme ça. Il sait et il est sûr que ce qu'il sait est ça. Il sait qu'il sait, il sait que c'est vrai. Il est sûr que ce qu'il sait va l'amener quelque part où il aura les clés pour contrôler, où il sera le maître contrôleur. Le maître contrôleur, non pas d'autrui, le maître contrôleur de sa sphère d'évolution. L'être humain qui traverse l'initiation solaire finit par être le contrôleur de sa sphère d'évolution. Sa sphère d'évolution, c'est la sphère où nous vivons dans la mémoire. La sphère d'évolution, c'est la sphère où nous travaillons uniquement dans le contexte de la mémoire, donc où nous allons subir les karmas, où nous allons vivre de l'émotivité et non pas du sentiment, nous allons vivre donc de la haine, de la peur, de l'ennui, de l'angoisse, etc. L'être qui vient, l'homme, donc la femme, l'enfant qui devient maître contrôleur de sa sphère évolutive, va maintenant se désassujettir du karma, se désassujettir de l'astral, se désassujettir des manipulations. Il devient un dieu par rapport à l'animal humain. Il devient un être humain par rapport à lui. Il devient un être intelligent qui a une intelligence capable d'aimer, qui a un amour intelligent. Mais ça, est-ce que c'est après l'initiation solaire? Ou est-ce que c'est ce qui nous fait dire, ce qui peut nous démontrer qu'on est prêt à être initié? Est-ce que cet état de conscience-là, on l'atteint après ou avant l'initiation solaire? Quand l'être humain ou quand l'humain commence à en avoir ras-le-bol de tout ce qui l'entoure, je ne parle pas des plantes, ces choses-là, mais quand l'être humain, dans son énergie, dans sa psychologie, dans son mental, dans son intelligence, commence à être écœuré, et surtout quand il approche de l'écœurement de l'écœurement. Lorsqu'il commence à être écœuré d'être écœuré. Il est conscient de la mécanique, mais il la refuse. Oui, il refuse toute la mécanique, oui. C'est quand l'être humain commence à avoir l'impression qu'il n'est vraiment pas dans le bon monde, dans le bon temps ou sur la bonne planète. Quand il y a un petit quelque chose, je ne dis pas qu'on a conscientisé clairement la mécanique, on l'exprime chacun à sa façon. Il y en a évidemment qui le vivent comme ça, d'autres le vivront différemment. Mais quand plus rien n'a de... Bon, faut aller travailler toute sa vie, tu sais, tu meurs après, puis tu fais ça, puis ça finit là. Puis... Parce que quand tu conscientises, le spirituel ne voit pas ça. Quand tu conscientises les mécaniques d'une roue, par exemple. Bon, on meurt, on va dans le baba, on vient au monde, on vit, on meurt, on va encore... Quand tout ça... Quand toute la spiritualité ne peut plus vous satisfaire, automatiquement, vous commencez un chemin de conscientisation parce que vous venez de finir votre évolution. Quand on vient de la finir ou on la commence? Non, tu viens de finir ton évolution. On finit l'évolution puis on commence l'initiation? Tu commences la conscientisation. Et entre les deux, il y aura l'initiation solaire. Évidemment, il y a des personnes qui sont encore en train de finaliser leur évolution, ils ont commencé leur conscientisation et à un moment donné, ils vont vivre une initiation solaire. L'initiation solaire, bon, je donne encore le parallèle que j'ai donné il y a quelques années. L'être humain qui n'a pas la constitution énergétique suffisamment puissante ou ajustée à une grande dose d'énergie risque gravement d'être perturbé, d'être détruit, de ne plus exister. Ça va de l'altération physique à la folie jusqu'à la mort. Bon, l'être humain qui n'est pas prêt. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'étant donné que l'être humain ne contrôle pas son évolution, même un ego ne peut pas décider d'entreprendre une initiation solaire. Ça passe pas. Ce qui fait que les accidents d'initiation solaire ont été très rares dans le passé. Bon. Celui, autrement dit, qui entame le processus d'initiation solaire, il peut pas. Ça peut brasser, mais il peut pas y arriver grand-chose parce que physiquement ou cellulairement, il est pas assez puissant pour être capable de le maintenir. C'est exactement. Donc, vous allez vous promener sur la route. Et puis, le soleil se couche, le soleil, vous l'avez en plein devant votre pare-brise et vous conduisez. Il est très puissant, le soleil. Alors, vous ne voyez plus rien. Vous mettez des lunettes soleil. Les lunettes soleil, les verres solaires, c'est un filtre qui fait en sorte que vous allez maintenant voir le soleil d'une façon obscurcie. Les couleurs que vous allez voir sont fausses. Le soleil que vous voyez est faux. Tout devient faux. Mais tout est drôlement plus acceptable. C'est l'initiation lunaire. L'initiation lunaire, c'est que la réalité est tellement puissante que nos constitutions astrales, tout ce qui vient des mécaniques réincarnationnelles, tout ce qui est notre legs du passé, n'est pas capable de supporter la vision de la réalité. Alors, nous allons créer la vérité. La vérité est une coloration de la réalité. Le mensonge est une coloration de la vérité. Nous allons créer la vérité. La vérité, elle est une coloration, ce qui fait que dépendant des verres solaires que nous allons porter, on aura plus ou moins chacun nos vérités, avec des vérités qui vont être similairement, qui vont être conjointes, puis il y aura des vérités qui sont diamétralement opposées. L'être humain qui décide de m'en donner, ah ben là, moi, je n'ai pas le bol, tiens, je veux voir le soleil puis la route comme elle est, ben il y a autre ces verres, c'est pas long que les yeux peuvent plus endurer. Il voit plus rien, le cerveau commence à avoir de la difficulté. S'il persiste, il va maintenant s'altérer la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il commence à faire ce que l'humain ne doit pas faire. Il commence à détruire son corps physique. S'il détruit son corps physique, progressivement, les yeux ne pourront plus voir convenablement. Donc, les yeux vont devenir les verres filtrants. Alors, la personne n'aura pas plus réussi d'initiation solaire, mais elle sera maintenant aveugle. C'est pas d'avance? Non. Les verres solaires, c'est l'ego qui filtre ça? Oui. L'ego, la spiritualité et la mémoire. La mémoire est notre plus puissant verre solaire, verre filtrant. La mémoire, c'est nos lunettes soleil. Et c'est une problématique et en même temps une utilité. La mémoire, elle va faire en sorte qu'on va refuser tout ce qui est neuf. Donc, on refuse la réalité. Monsieur, madame, votre fils ou votre fille vient de mourir dans un accident d'automobile. Alors, vous répondez, ah, ben c'est ça, vous continuez à vivre. Là, nécessairement, vous n'avez pas besoin de verre fumé. Mais la réalité est un choc tellement puissant pour les égos, donc pour la mémoire, parce que l'être humain n'exprime pas suffisamment d'intelligence chez lui encore, pas parce que vous ne voulez pas ou pas parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent. C'est parce que vos corps physiques ne sont pas capables d'en recevoir plus qu'il en reçoit présentement. D'où l'importance, à un moment donné, de la pratique de certaines techniques de vie pour améliorer le corps physique. Et on ne parle pas des muscles, on parle du système neuronique, du système glial, puis du système endocrinien. Et ça, quelle que soit la condition du corps physique, quel que soit l'âge du pratiquant, tout ça se développe. Parce qu'on doit comprendre une chose. Tu as trentaine d'années. Les neurones à l'intérieur de ton crâne... À part 25 ans, il y a des poussières. C'est des grosses poussières qu'un aspirateur ne peut pas ramasser. Bon, en tout cas, bon. Les neurones à l'intérieur de ton crâne, la majorité sont aussi jeunes que les neurones d'un enfant de 5 ans. Et la majorité de tes neurones sont aussi jeunes et aussi en forme que la majorité des neurones des individus qui ont 80, 90, 100, 115 années. Sauf que ces personnes-là n'ont pas appris, à un moment donné, à changer. Quand on a des neurones lentement qui meurent, ces neurones-là, ils sont finis. Et les autres, ils sont là, ils dorment. Ils attendent qu'on les enterre. Alors, à un moment donné, par certaines techniques qui sont mentales, qui sont physiques, on parvient à maintenir une quantité très efficace de neurones en opération, et on arrive même à développer d'autres créneaux qui vont nous permettre d'avoir des endroits pour exprimer de nouvelles formes de conscience. Donc, de voir une réalité d'une façon plus claire, plus limpide, plus immédiate, se rapprocher du moment instantané, donc se rapprocher de l'initiation solaire. L'individu, donc, il doit avoir un corps physique en état, et quand je parle de corps physique, c'est donc un corps neuronique, un corps glial et un corps endocrinien, un système endocrinien, neuronique et glial, donc cérébral et endocrinien, en bon état. On ne l'a pas, ça se développe. On l'entretient. Mais tout ça, on ne le sait pas. Quand on entreprend l'initiation, on n'est pas au courant. On n'entreprend pas l'initiation tant qu'on n'a pas ça. Quand l'initiation nous entreprend. Ça, c'est une meilleure chose, sauf que l'initiation ne nous entreprend pas quand on n'est pas prêt. Mais on doit comprendre une chose. Une personne va dire, moi, j'ai vécu une initiation solaire, ça m'a changé, tu sais, mais là, est-ce que je vais en avoir d'autres? L'initiation solaire, c'est l'étranglement du temps. C'est la meilleure définition qu'on peut donner à une initiation solaire. Bon. C'est une courbure temporelle. Au-delà de l'initiation solaire, il y a une autre forme d'initiation qui, elle, va engendrer une courbure spatio-temporelle. Bon, on a déjà parlé d'une conférence récemment au Séminaris. Mais quand on parle de courbure temporelle, ça veut dire qu'on va comprimer le temps et pas la matière. Autrement dit, votre monde va chronométrer une heure de temps, mais en une heure, vous allez apprendre ce que la majorité des humains apprennent en dedans d'une vie. Alors, il y a comme un paquet de choses qui germent. Ça n'a pas d'allure, puis là, une autre chose, puis tu regardes, tu vois ça, puis tu as une affaire, puis là, c'est bon. Il y a les cheveux blancs qui poussent, puis les autres tombent. T'as un cheveu blanc, c'est pas pire. Au moins, Krishna peut te ramasser. Mais, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si l'individu n'est pas prêt à voir tous ses concepts et ses croyances réduites en poudre, poussière, pour être remplacé par des visions non mémorisables, donc, non conceptualisable. Je le sais, je le vois. Je le voyais. Je sais que je l'ai su, je ne sais plus quoi. Là, il y a un petit fil d'initiation solaire qui vient de passer. Tu as eu une conscience, puis là, voilà. Alors là, l'ego se dit, j'aurais dû l'écrire, j'aurais dû le noter, j'aurais dû l'enregistrer. On ne doit jamais faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez faire comme les saints du passé. Ils ont eu un contact un jour avec leur esprit. Ils en ont tellement été éblouis qu'ils l'ont écrit, ils l'ont mémorisé, puis ils ont passé le reste de leur vie à triper sur le petit instant de contact avec eux-mêmes, qu'ils appelaient contact avec Dieu. Alors qu'on doit l'oublier. Pourquoi? On doit l'oublier pour de redevenir comme on était avant le contact. On doit s'en foutre du contact. Ces personnes-là n'ont jamais eu d'autres contacts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient purs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de recherche de contact. Subitement, ils l'ont eu. Le contact sorti. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils en veulent un contact. Avant, ils n'en voulaient pas, ils l'ont eu. Maintenant qu'ils en veulent un, ils sont changés. Mais ils n'ont plus. Ils sont plus dans le bon état. C'est comme, par exemple... Il faut être récepteur. Il ne faut pas vouloir courir après. Il faut être prêt à le recevoir sans... Il faut être dans une condition particulière. Mais si ça amène à... Je fais une parenthèse, parce que si ça amène à ce que tu disais tantôt, l'initiation solaire, que par exemple, quelqu'un vient m'annoncer la mort de mon fils, puis que je continue à regarder la télévision, et puis que je passe par une forme d'étranglement, je suis pas certain que ça me tente d'aller... Non seulement je suis pas certain, mais mon ego est certain qu'il veut pas vivre une initiation solaire ou avoir ce résultat. Oui, ton ego, il préférerait, lui, pouvoir vivre la mort de ton fils ou de ta fille, par exemple, pendant 6-7 mois. Minimum. Ah oui. C'est comme, par exemple, le bras de ton fils est mort. Premier... Là, tu l'acceptes. Son autre bras est mort aussi. Un par jour, comme ça. Puis là, dans un mois, ben, il est mort au complet. Là, tu dis, ben là, je m'attendais à ça, là. C'est moins pire. Ça, c'est l'initiation lunaire. Sauf que, c'est sûr que ton ego, mais l'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est de la mémoire, puis l'ego, c'est un virus. Puis je m'en fous de ton ego. Parce qu'on voit ça comme devenir sans cœur, devenir robotique, quasiment, de la manière que tu m'expliques ça. Mon fils est mort. Oui. Hey, imaginez, certaines personnes, vous êtes propriétaire d'une maison. J'espère que quand je vais mourir, ça va l'influencer. Non, t'as des arbres dans ta cour. Quelques-uns. Y a des feuilles qui sont tombées. Oui. T'as-tu broyé quand t'as vu tomber? Non. Maudit sans cœur. Pourquoi il n'a pas broyé? Parce qu'il comprend la mécanique. Ah, il y a une petite nuance. Alors, quelqu'un qui comprend pas la mécanique, il voit les feuilles tomber, puis il voit le cave qui est là, puis qui regarde, puis qui... Bon, il m'aime pas, il ramasse avec son auto, puis il chiale que les feuilles auraient dû tomber ailleurs, t'sais. Il me le fout dedans. Mais le monde, ils vont te trouver comment? Mais si l'hiver passe, mais l'hiver, pour la personne qui t'observe, c'est 3 vies. Quand l'été revient, elle se rappelle plus de l'été d'avant. Elle voit les feuilles sortir, et que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Les feuilles tombent 2-3 mois après, puis elle recommence encore à broyer. L'initiation solaire va faire en sorte d'être subitement capable d'englober 3 ou 4 années. Donc, plusieurs vies pour l'autre. Ça englobe l'été, le printemps. Bien, l'été, oui, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, plusieurs. Ce qui fait que maintenant, tu regardes les feuilles tomber, tu pleures plus. Pourquoi? Parce que tu comprends la mécanique. Et ce qui va arriver dans le début, parce que vous n'avez pas encore suffisamment de neurones de réchauffer chez vous, vous ne pourrez pas dire pourquoi vous ne pleurez pas. Vous allez dire, bien, parce que je pleure pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une information énergétique chez vous qui va faire en sorte que ça va être, écoute, sauve du temps, sauve de l'énergie, pleure pas, parce que c'est correct. Tu sauras pas pourquoi. À un moment donné, quand tu auras une prolifération au niveau énergétique dans ton cerveau, quand tu te serviras un peu plus de ta matière cérébrale pour atterrir des visions énergétiques, là, tu pourras subitement, dans un moment instantané de parole ou de conscience mémorielle, dire à quelqu'un qui te demande pourquoi tu pleures pas, tu pourras lui dire, écoute, les feuilles, ils tombent au sol, ils pourrissent, ils servent d'engrais, donc elles nourrissent l'arbre, elles remontent dans l'arbre, elles ressortent en feuilles, puis si le cycle continue, on aura toujours un arbre. C'est parfait, la vie est belle, tout va bien. Tu vas être capable d'expliquer tout ce que c'est en ce qui concerne la mécanique organique puis les cycles écologiques. Mais explique ça à un individu qui, lui, vit seulement l'été. Putain, il comprend pas. On n'a pas prévu que l'automne arriverait si vite. Ben, les feuilles qui tombent, là, ils vont pourrir, mais ils vont repousser. Tu me niaises, tu ris. En plus, les feuilles, ils se défont toutes, et ça fait de la terre. Ça fait de la terre. Après ça, l'arbre s'en nourrit, ça rentre par des racines, quand il pleut. Tout ce que je peux dire, c'est que tu me niaises. Je sais pas où, tu prends pour qui. Là, je vais te dire, ouais, t'as pris ça où, cette information-là? Mais j'ai pris ça où? J'ai pris ça où ça se trouve, hein? Je l'ai vu. Tu l'as vu comment? La personne qui te pose des questions, elle a vu un été. C'est un éphémère. Bien, elle ne peut pas comprendre rien. Toi, tu as vécu une initiation solaire, tu as comprimé du temps. Tu vas vivre physiquement peut-être le même été. Mais au niveau de ta conscience, avec le même corps, tu auras vécu peut-être 2000 ans. Une initiation solaire, ça se vit... Bon, c'est donc une compression temporelle, ce qui va faire en sorte que l'individu qui vit une initiation solaire... Vous savez, des fois, on se dit, dans notre évolution, « Ouais, mais... » T'sais, si je pourrais vivre 2-3 000 ans avec le même corps, là, la même mémoire, en me rappelant de tout, là, continuer à vivre, là, au moins, je pourrais avancer. Parce que là, on a l'impression qu'on n'a jamais assez le temps dans une petite vie éphémère, petit été. L'initiation solaire permet à un individu qui a un corps physique encore traditionnel, un corps physique qui n'est pas, disons, qui ne vit pas plus longtemps ou qui n'est pas immortel, de pouvoir vivre la même chose que si on vivrait 200, 300, 400, 500 ans, 2000 ans. Sauf qu'on va vivre ça en dedans d'une heure cosmique, on va vivre ça en dedans d'un temps corporel, traditionnel. On va être capable de le vivre maintenant. L'individu qui vit l'initiation solaire va donc comprimer le temps. En comprimant le temps, c'est exactement comme s'il va aller chercher ses 500 prochaines années d'évolution à travers des mécaniques de réincarnation et il va être capable de les vivre dans les 28 prochaines années. Bon. Maintenant, je dis 28. Est-ce qu'on peut en avoir déjà 22 de fait? On peut. On peut. Ce n'est pas le cas. Mais on peut. On peut. Bon. Maintenant, ce qui est important de comprendre, la personne, elle vit un petit contact avec sa conscience. Initiation solaire, oui, c'est le début. Quand je parle de 28 ans, ça peut être 8 ans. Ça peut être 45 ans. Bon. Mais quelqu'un va dire 45 ans, c'est encore trop long. 45 ans, ça résume... 45 ans d'initiation solaire, ça résume... il y a des zéros. Ça résume beaucoup d'années. Alors, est-ce qu'on peut survivre à 45 ans d'initiation solaire? Si tu survis à un mois d'initiation solaire, tu vas survivre aux 45 ans. Il n'y a pas de problème. Parce que ton initiation solaire va devenir la même chose que ton initiation lunaire actuellement. À l'époque de l'animal, quand on a reçu la conscience de la mémoire, ça c'est en Lémurie, ça fait quelques années de ça, il y avait l'initiation lunaire. Les individus, les animaux qui n'ont pas pu passer l'initiation lunaire sont restés des animaux. Les corps animaux qui ont passé l'initiation lunaire, l'homme entre autres, sont devenus des initiés lunaires. Et depuis maintenant quelques millions d'années, on vit de l'initiation lunaire. Alors, quand je te parle d'initiation solaire, c'est que l'évolution est exponentielle. Et ça, c'est des choses que l'humain doit comprendre. Parce que l'humain, il se dit souvent, on n'avance pas vite. Plus on avance, plus vite on avance. C'est exponentiel. L'initiation lunaire a duré des millions d'années. L'initiation solaire va durer quelques années. Et puis, après ça, il y aura la conscientisation, il y aura en réalité l'intelligentiation. Il y aura d'autres initiations qui vont faire en sorte que c'est de plus en plus court. Parce qu'on courbe l'espace-temps. Comment on courbe l'espace-temps? Bien, là, pour l'instant, on commence à courber le temps. Le temps, d'abord. Bon. Parce que tantôt, tu as dit, il y a une autre forme d'initiation. Il y a des lois d'initiation solaire. Et puis, on peut courber le temps, compresser dans un an ou faire en sorte que ça aille plus vite. Mais on le choisit pas non plus, ça va se faire tout seul. Mais comment ça se fait? Mais par contre, pourquoi c'est bon, par exemple, d'assister à une conférence là-dessus ou de lire un livre ou de savoir à un moment donné tout seul? C'est que ça nous permet d'informer l'ego. Parce que quand l'initiation solaire commence, bien, l'ego panique. C'est notre plus grand handicap, c'est notre mémoire. Dans votre mémoire, vous n'avez pas les informations nécessaires pour fonctionner avec l'initiation solaire. Pourquoi? Vous ne l'avez jamais faite. Si vous l'auriez déjà faite, non, il n'y a plus besoin. Bon. Alors, l'ego a peur, l'ego panique. Les lois. On va définir les lois. Les 147 lois de l'initiation solaire. Commence par la 142e. Oui, mais je peux la donner. 142, 143, 144, 145. Avoir une conscience élastique. Mais on n'en donnera pas autant. On va résumer un peu. On va donner des grosses lois, les lois primaires. On va faire comme le code de la loi du Québec. Ça fait que je vais donner les premiers chapitres, puis les alinéas, puis les paragraphes, on va laisser tomber. Bon, initiation solaire, premièrement... Vous allez dire de temps en temps, ouais, mais c'est une loi qui est quasiment une farce. Non. Pour certains individus, il vient un moment donné où effectivement, c'est plus une farce. La première loi pour vivre une initiation solaire, c'est celle-ci. Être vivant. C'est-à-dire avoir un corps physique en vie. Ne pas être mort. Ouais, c'est vrai que c'est important parce qu'en passant l'écœurement, ça peut arriver que tu te demandes... Oui, si puis quelqu'un qui se suicide dans le monde de la mort, il peut continuer à vivre des initiations lunaires, il n'y a aucun problème. Mais on parle d'initiation solaire, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, c'est tout plein de chocolat autour de moi, c'est ceci, c'est cela, puis moi, je vis mon initiation, je vais avancer plus vite, puis tiens, je me tire une balle dans la tête, puis je m'en vais évoluer ailleurs. Non. Tu retournes dans la mémoire, dans le monde de la mort, dans le passé. Donc, c'est important. Première loi, avoir un corps physique vivant. Ça inclut nécessairement, donc les alinéas, mais je vais en passer rapidement, il y a plusieurs lois qui sont des sous-lois, ça inclut d'avoir un corps physique en relative santé, d'avoir un système neuronique et endocrinien en parfaite santé. Ça inclut d'avoir un corps vital en santé. Ça inclut d'avoir un corps astral en santé, ça inclut d'avoir un corps mental en santé, et ça inclut d'être le maître contrôleur de son corps astral. Mais si on ne peut pas emmener tous ces corps-là chez le même docteur, de toute façon, il est ça. Faut qu'on soit conscient qu'on est constitué déjà en plusieurs morceaux. Et puis, vous allez dire, ça donne beaucoup de lois. C'est évident que je pourrais donner 3 lois, faire une conférence là-dessus. 3 lois, c'est comme de vous dire, pour monter votre... Vous allez acheter un nouveau kit d'une compagnie qui vend des morceaux, là. Et puis, il faut 2 outils. Puis, rentre chez vous, vous vous rendez compte qu'il faut 2 outils, oui, plus la caisse, le coffre à outils du grand-père. Je pourrais effectivement faire une conférence, puis très résumé, puis ça sert à rien. C'est enregistré, c'est une bonne chose, c'est que s'il y a un paquet de lois à donner, bien après ça, on les retrouve sur la cassette, c'est facile d'aller les rechercher. Donc, il faut faire attention d'être en meilleure santé possible sur tous les plans, psychologique, physique, vital. Oui. Après, on pourrait redéfinir, évidemment, quelle est la santé physique. T'sais, je parle endocrinienne et neuronique. Qu'est-ce que c'est qu'une santé vitale? Qu'est-ce que c'est qu'une santé astrale, une santé mentale, etc.? Bon. Première loi, avoir un corps physique vivant. Deuxième loi, être vivant. C'est autre chose. C'est pas pareil? Non, il y en a beaucoup qui sont morts, mais on va les enterrer dans 15 ou 20 années. Bon. Être vivant veut dire être là. Pas être là, mais être là. Ouais, ceux à qui on parle vont dire « Oh, je te parle, là. » Il y en a plusieurs comme ça. L'individu qui renverse son verre, « Eh, maudit! » Mais lui, il est pas là. Il est dans du concept, il est dans de la mémoire. Je viens de renverser de l'eau, on n'a rien de la foutre, ça finit là, ça fait mal à personne. Bon, hein? Si vous êtes là, vous ramassez, vous essuyez, vous ramassez les dégâts, et puis on continue à chasser. Vous savez, on doit vivre sérieusement. Alors, je vais recommencer l'exercice. On doit vivre sérieusement. Vivre sérieusement, ça veut dire que si je renverse mon verre d'eau, je le ramasse, puis ça finit là. Il y a des fois que je me dis que je ne devrais pas être là, moi. C'est toujours risqué d'être à côté de quelqu'un qui s'initie. Bon. Maintenant, si je ne vis pas sérieusement, mais que je me prends au sérieux, je ne peux jamais faire les deux en même temps. Et bordel, tu viens de le chiale. Pas pire. Je vais recommencer. Mais, on doit comprendre la mécanique. La majorité des êtres... Je vais l'essayer, moi. Non, c'est moi qui fais le conférence. Pose des questions, là. C'est pas une initiation solaire, c'est une initiation aquatique. C'est ça, une initiation aqueuse. C'est ça. Non, il y a du poisson encore. La nuance, elle est très importante. Ça veut dire qu'on doit être vivant. Pour être vivant, on doit vivre sérieusement sans se prendre au sérieux. L'individu qui se prend au sérieux est nécessairement un individu mort. Qu'est-ce que ça veut dire, mort? Il sait qu'il sait. S'arrête là. Il ne sait pas qu'il est présent dans la vie. Il n'est pas là. Alors, on doit vivre sérieusement. Pourquoi, quand une personne vit sérieusement, si elle renverse son verre, elle ne chiale pas, elle ne crie pas? Elle a bien d'autres choses à faire dans la vie. La vie, là, ça coule, ça passe. Alors, on s'en sert. On vit sérieusement. Ça veut dire qu'on s'autorise à rire, à s'amuser, à avoir du plaisir, et on ne s'autorise plus jamais à perdre notre temps, donc perdre notre vie, en étant mort. Vous savez, on peut avoir du plaisir et être très présent. On ne peut jamais chialer puis être présent. Donc, on doit... Quand on chiale, on est mort. Quand on se plaint là, de toutes les formes, on est mort. Quand on regrette, on est mort. Quand on espère, on est mort. Il y en a même qui sont morts. Il y en a qui disent, je sais bien, je suis mort, là. Ils répètent ça, c'est indice, hein, je sais bien, je suis mort, là. Sauf à moins que ça arrive. Oui, il n'est pas conscient. Lui pourrait dire, je le sais que je répète encore, que je répète encore, que je répète encore. Tu sais, il y a un paquet de disques qui sont cumulés. Être vivant, c'est nécessairement ne pas chialer. C'est être là. Donc, on vit sérieusement, on ne se prend pas au sérieux. Deuxième loi pour l'initiation solaire. Ça, c'est pour avoir une initiation solaire agréable. Moi, je suis pour agréable. Si tu es dans un processus d'initiation solaire puis que tu n'appliques pas ça à être vivant, puis que tu fais comme tu disais tantôt, là, quand on chiale... Ah, bien, on va te bûcher dedans, mon ami. Ça va être plus... Non, on va te bûcher dedans, mon ennemi. Jusqu'à temps que tu comprennes. Jusqu'à temps que tout ce qui te fait mourir finisse par s'en aller. Mais ça laisse de... de vaches de cicatrices. Donc, deuxième loi, être vivant. La troisième loi, c'est être anégoïque. Qui veut dire? Anégoïque veut dire sans égo. Troisième loi veut donc dire être un égoïque. Cela veut dire minimum, si on n'est pas un égoïque, ça veut dire qu'on est maître contrôleur de son ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui. Dans le on a toujours l'espérance, on a toujours l'ego, toujours une partie de croyance qu'on accorde un peu de libre arbitre. Dans la première loi, rester en vie, on se dit bon, ok, ça je contrôle ça. C'est même pas vrai. Non, je sais, mais on peut se dire ça. Ah, on peut. L'ego peut se dire qu'on contrôle de rester en vie. On peut se dire qu'on contrôle aussi de ne pas chialer, chialer ou pas chialer, un peu plus. Alors, je t'arrête. La quatrième loi, c'est d'être transparent avec soi-même. OK. OK? C'est pour ça que là, tu es en train de tout te mentir, tu te comptes des pipes, notre ego pourrait se dire, mais déjà là, t'es illégal. OK. Je hors la loi. C'est ça. C'est de mémoire. C'est ça, oui, je sais, mais c'est une bonne loi. Maintenant, l'autre, c'est une vieille loi. Donc, la troisième loi, nécessairement, être un égoïque. Si on n'est pas un égoïque, on doit être le maître contrôleur. La nuance entre les deux, qu'est-ce que c'est? Celui qui est un égoïque agit comme un dieu ou une déesse, c'est-à-dire que pour l'animal humain, celui qui est un égoïque agit comme un robot. Il semble sans cœur, parce qu'il n'est pas manipulable par le fait qu'il aime. Il n'est pas possessif. Il n'est pas jaloux. Donc, on aurait l'impression qu'il est sans cœur, qu'il n'aime pas. Bon. Celui qui est maître contrôleur de sa structure astrale, va à un moment donné voir qu'il fait froid, puis il va chialer, maudit qu'il est niaiseux. Il parle de son ego. Ah, il conduit son automobile, il y a quelqu'un qui le coupe, ah, maudit cave! C'est vrai, maudit cave. Il parle de l'ego, là. Ah, puis le papa du gars, là. Alors lui, il est maître contrôleur de son ego. L'ego n'arrive pas à dominer dans sa vie. Il est anégoïsable, il est en phase d'anégoïsation, suffisamment avancé pour dire au minimum qu'il contrôle une grande partie de ce qui se passe. Ça vient chez vous, mais ça ne vient pas colorer. Par exemple, vous avez peur, mais ça ne change pas votre façon de raisonner. Parfait, vous êtes maître contrôleur à bord. Vous avez de la jalousie, mais jamais ça va altérer votre comportement ou votre façon de voir les choses. Aucun problème. Parce que la jalousie, ce n'est pas vous. Mais si la jalousie prend le dessus, puis qu'elle finit par altérer votre comportement ou votre façon de voir le monde, voir les choses, voir votre femme, votre mari ou vos amis, là, vous n'êtes pas votre maître contrôleur. Quatrième loi, être transparent avec soi-même. Transparent avec soi-même, ça veut dire, premièrement, qu'on est capable de discerner. Ça, on va étirer un peu là-dessus. De discerner, on est capable de comprendre ce qu'est un concept. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un concept, puis c'est une clé majeure pour avoir du plaisir dans l'initiation solaire. Et tous ceux qui sont le moindrement capables d'accepter des choses neuves, vous allez de toute façon passer par l'initiation solaire et ce n'est pas dans 50 ans. Pour plusieurs, c'est une question de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis quelqu'un va dire, ah, voilà, encore le temps. Regarde, le temps vient vite. Ça avait déjà dit ça, 15 ans. Et... Bon. Un concept, c'est quoi? Un concept, c'est difficile à expliquer. C'est un concept? C'est ça. Un concept, c'est une structure d'idées, d'images, de visions, d'émotions. C'est un édifice qu'on va construire et ça va expliquer des choses. Le concept de la famille. Puis une famille, ça doit toujours avoir au minimum un père et une mère. Ils ne devraient jamais se divorcer. Ça, c'est un concept. Maintenant, une personne va dire, c'est pas un concept, c'est un fait. C'est là le problème. Parce que si elle dit que c'est un fait, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un concept, c'est-à-dire que c'est une vision fausse de la réalité adaptée à nos structures émotives et psychologiques. Je te pose la question. Ah, parce que pour ici, on dit que c'est une réalité, puis si on était dans un autre pays, ça pourrait être un mari, 22 femmes, puis 84 enfants, puis ça serait une famille pareille. Oui. Regardez ceci. Je vais vous poser la question et je vais répondre à votre place. Bon, voilà. Ah, parce que ce serait compliqué, il faudrait que vous puissiez répondre en même temps. Bon. De toute façon, quand on jase avec, c'est toujours ça. Voilà. Effectivement, c'est pourquoi la conversation est intéressante. Bon. Avec lui, là, je dis pas avec vous, c'est différent, là. Mais Charles, bon. On s'ostine pas souvent. Pas parce que je suis meilleur, parce qu'on est d'accord télépathiquement. Faut comprendre. Alors voilà, je pose la question ici. Le monsieur là-bas, avec la barbe, il y a une barbe. C'est des choses qui arrivent. Bon. Certains ont l'idée qu'un, par exemple, on a un concept. Quelqu'un qui a une barbe, c'est parce qu'il cache quelque chose. c'est un concept. Alors voilà. Est-ce que Dieu existe? Il ne peut pas répondre. Parce que s'il répond, de toute façon, il vient dire que c'est un concept. Alors, je pose la question. Est-ce que l'existence de Dieu est une réalité ou un concept? Ben, c'est nécessairement un concept. Est-ce que l'existence de la réincarnation est une réalité ou un concept? C'est nécessairement un concept. Est-ce que l'existence de l'esprit est une réalité ou un concept? C'est un concept. Est-ce que l'existence du monde de la mort est une réalité ou un concept? C'est un concept. Est-ce que l'existence de la vie après la mort, c'est un concept? Est-ce que l'existence de la vie avant la naissance, c'est un concept? Est-ce que l'existence de l'intelligence supramentale, c'est un concept? Ce ne sont pas des réalités. Est-ce que l'existence de l'amour réel est une réalité? C'est un concept. L'être humain ne peut avoir accès qu'à des formes, donc qu'à des images, donc qu'à des concepts. Et où il y a un danger, c'est qu'à un moment donné, le concept qu'on a, de quoi que ce soit, notre ego a tellement besoin de voir une réalité, mais l'ego de la mémoire, il ne pourra jamais voir une réalité. Alors, il va mettre de l'énergie autour du concept et il va en faire une croyance. L'ego a décidé maintenant que ce n'était pas un concept. Pourquoi? Non, non, moi, je crois que c'est vrai. Il croit. Mais celui qui croit ne sait pas. Donc, celui qui ne sait pas ne peut pas dire que c'est ça. Et à un moment donné, l'ego est tellement insécure qu'il va tellement mettre d'énergie que lentement, la croyance va devenir une foi. Et une foi, c'est toujours aveugle. Ça élimine votre conscience. L'être humain doit être capable de discerner entre ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et quand je parle de ce qu'il sait, je ne parle pas de connaissance. Je parle d'un savoir vibratoire instantané. Moi, je peux vous dire que je sais que la mécanique réincarnationnelle, c'est exact. Que la réincarnation, ça existe. Je le sais. Probablement que Charles ne peut pas dire qu'il le sait. Est-ce que tu le sais ou non? Je peux dire que je t'ai entendu le dire. Je ne peux pas dire que je le sais. Voilà. Donc, il peut croire que c'est vrai, mais ce n'est pas une croyance dans le sens spirituel du terme, astral ou psychologique. C'est une acceptation du concept de la réincarnation. C'est un modèle qui explique raisonnablement une mécanique, une théorie. C'est une théorie sur laquelle on peut fonctionner. Quand on regarde les étoiles, la majorité des étoiles n'existent plus. La lumière, elle a été émise par ces étoiles-là, voilà un million d'années. Elle est distante à un million d'années-lumière de notre Terre. Donc, la lumière voyage pendant un million d'années et on la voit. Et l'étoile a explosé, elle n'est plus là. Et pendant un million d'années, on va continuer à la voir. Mais elle n'est plus là. Ça devient une illusion. Mais on peut faire le point. On peut faire le point avec un bateau, avec un sextant. Hein, maintenant, on prend des satellites. Mais on fait le point avec un sextant et on se trouve. L'illusion est efficace. Un concept, c'est une théorie qui répond à des questions et qui nous permet de prévoir des mécaniques. Donc, un concept, c'est plus qu'une théorie, mais ce n'est pas une croyance. C'est utilisable. C'est utilisable, c'est fonctionnel. Donc, la personne va dire, oui, mais si la réincarnation, c'est un concept, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit simplement que vous n'avez pas encore la valeur énergétique pour vérifier sa véracité. Par contre, vous avez la valeur énergétique pour vous servir du concept. Alors, on s'en sert. C'est un outil qui est vraiment efficace. Et ça, l'humain doit bien comprendre. Pourquoi? Parce que si c'est une croyance, il ne pourra pas accepter de nouveautés dedans. Donc, lorsque l'initiation solaire va lui ouvrir les yeux vers du neuf, immédiatement, il va résister. Il ne voudra pas. Je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir. S'il sait que ce sont des concepts, il y a du neuf, il va immédiatement voir à l'appliquer à son modèle, à son concept, et là, il va découvrir subitement que ça explique mieux qu'avant, ça amène d'autres choses. Merveilleux. Pour vivre l'initiation solaire, il faut être capable de ça. C'est comme dans la comparaison avec une étoile. Tu peux te servir de cette étoile-là pour faire ton chemin, mais il faut pas que tu arrêtes devant l'étoile puis être en amour avec puis rester là. Non, ou encore, prends pas un vaisseau spatial puis décide pas d'aller la visiter. C'est pas nécessaire, c'est à toi de la lumière. Parce qu'elle sera plus là quand tu vas arriver. Il y a des fortes chances. Bon, alors donc, on doit donc juste faire attention comme ça. La personne qui dit à un moment donné, moi j'aimerais être en amour avec mon ajusteur de pensée, tu es en amour avec la forme. Parce que tout ce que tu vois de l'ajusteur de pensée est ajusté à la créature, à ce qui te constitue. Donc, ce que tu vois... Bon, je reprends encore un exemple que j'ai déjà donné. J'ai ici un verre d'eau. Ah, hein? Oui, ça crée déjà de l'émotivité dans certains corps astrales. Bon, j'ai un verre d'eau que je ne renverserai pas. Je vais le... Non. Ce verre, je le dépose sur la table. Vous ne pouvez pas voir, mais vous faites l'expérience. Avec votre jambe, vous avez tous une jambe d'eau. Si vous placez, je place le verre ici et il y a une lampe. La lampe, elle éclaire le verre et elle projette une ombre sur la table, qui est d'ailleurs encore mouillée. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'être humain va se dire, moi je vous dis un jour, il y a des verres d'eau qui existent. Et vous, vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les voir, alors vous ne me croyez pas. Mais à un moment donné, je vais créer un concept. Je vais définir une forme, mais la forme sera définie en fonction de ce que vous pouvez conscientiser. Et la forme, ça sera l'ombre. Vous regardez l'ombre du verre, je cache le verre, vous regardez l'ombre, vous allez dire, il y a quelque chose qui existe. Quelque chose qui projette l'ombre. Et c'est un verre d'eau. C'est vrai. Vous avez totalement raison. Mais vous ne savez rien du verre d'eau. L'ombre ne vous dit rien de ce qui l'a créé. Mais l'ombre est une preuve de la présence de la chose qui crée. Alors, à un moment donné, dans l'initiation solaire, la conscience finit par devenir plus vaste, se vastifier. Et à un moment donné, lorsque la conscience est suffisamment vastifiée, la conscience, subitement, on est capable de voir en trois dimensions, on est capable de voir une autre mécanique, et là, on va voir le verre d'eau. Mais là, il faut être prêt à abandonner le concept. L'image de l'ombre. Parce que sinon, on va dire, écoute, là, j'ai l'ombre du verre, puis ça, c'est le verre. Tu essaies de le rentrer dans l'ombre. Là, tu le casses, le verre. Tu l'aplatis. L'ombre est plate. Tu t'aplatis le verre. Bon, là, c'est mieux, là. Là, il me semble, c'est plus un verre. On est plus dedans. Et c'est ça le problème de la mémoire. L'individu qui va vers l'initiation solaire ou qui va vers le neuf avec de la mémoire, il va opposer sa mémoire à tout ce qui est neuf pour ajuster le neuf à la mémoire. L'individu qui comprend ce qu'est le concept va toujours ajuster le concept à la réalité. On va ajuster la vision de l'ombre au vert et on va prendre le vert comme forme. Tandis que l'inverse, on va écraser le vert, tout déformer le vert pour en arriver à voir ce qu'on voulait. Donc, il ne faut pas être attaché émotivement à l'ombre, aux formes, aux concepts qu'on a appris ou qui nous ont permis d'aller jusqu'à la découverte du verre. Ils sont utiles et on s'en sert. L'autre loi. Ça, c'est la transparence. Oui. On est rendu loin de la transparence. Oui, mais on pourrait, comme je te dis. Bon, oui. De toute façon, il y a d'autres lois qu'on va expliquer. Dans le concept de la transparence, il y avait le concept. La transparence, elle, comment mais on applique la transparence à être capable de ne pas se mentir. La transparence, c'est seulement ça. C'est être capable de ne pas se mentir. Comme tout à l'heure, tu dis, mon ego peut se dire que oui, mais on sait, là, qu'on se ment. Bon, et pourquoi j'ai parlé des concepts, c'est que la plus grande transparence doit se faire là, entre ce que l'on est sûr d'être sûr de savoir, et ce qui fait office de concept, de structure d'évolution. Parce que sinon, on ne l'aura pas. Alors, la plus puissante des transparences, c'est d'être capable de savoir... Je le sais, je ne le sais pas. Puis je n'ai pas peur de ne pas le savoir, puis je n'ai pas peur de me servir de ça. De ne pas se mentir. Autrement dit, quelqu'un qui dit « moi, j'y crois », il n'est pas transparent avec lui. Est-ce que vous croyez que vous êtes ici? Ceux qui croyez que vous êtes ici, là, faites-vous pincer par le voisin. Moi, je ne crois pas que je suis ici. Je sais que je suis ici. Et ce qui est la croyance. Je crois que le moteur de mon automobile va démarrer. Ah! Bien, va l'essayer voir. Ah, non, je suis sûr. Mais là, c'est pas sûr dans le sens supramental du terme. Non, je suis convaincu qu'il va démarrer. Mais essaye-la. Non, je le sais. Il y a encore du doute. La croyance va faire en sorte que tu n'iras pas l'essayer pour pas voir ta croyance tomber. Justement, le doute. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Oui. Alors, dites-lui donc de manger un char de... Bien, il va vous pardonner, il est bon. Alors, dites-lui... Voilà. La croyance, c'est qu'on est sûr que Dieu est bon, puis on n'ira pas vérifier au cas que ce soit faux. Qu'est-ce que c'est la croyance? Et la croyance, elle amène l'individu à éliminer tellement de facteurs d'évolution ou de conscientisation, parce que tout ce qui va faire en sorte qu'on va remettre en question votre croyance, on l'élimine. On n'avance plus. On avance dans la mémoire. Donc, la vraie... Si tu sais, dans ton exemple, si tu sais que Dieu est bon, tu ne le testeras pas. Oui, mais là, quand on parle de savoir, d'être sûr, on ne parle pas de foi. Par contre, si, et ça, c'est une chose que vous devez faire à un moment donné. Regardez ceci. Si tu dis, si tu sais que Dieu est bon, tu ne le testeras pas. Non, c'est vrai. Maintenant, je vais vérifier si ton savoir est un savoir libre, un savoir qui ne vous rend pas esclave. Je vais vérifier si ton savoir est une croyance ou une foi. Tu sais que Dieu est bon, tu n'as pas besoin de le vérifier. Mais vérifie-le quand même pour voir. Si l'individu ne peut pas, c'est qu'il croyait que c'était un savoir, il découvre que c'est une croyance. Être transparent, c'est d'admettre ces choses-là. Puis être transparent, ça ne veut pas dire « Ah bon, j'y croyais? Ah ben là, d'abord, je mets ça de côté. » Non, non! Tu y crois, continue d'y croire, mais sache que c'est une croyance. OK? C'est pas une certitude, c'est pas un fait. C'est simple. Quelqu'un dit « Ah, moi, je crois en tout ce que Daniel Kemp dit. » Ben, vous êtes mal pris. Vous devez pas croire en ce que Daniel Kemp dit. On parle, on communique. Enfin, je parle. Je parle un petit peu. Bon, et puis bon. Mais on ne croit pas. C'est de l'énergie, ce sont des formes. Ça nous permet de monter sur un nouveau niveau. À un moment donné, on disait que... on parlait de la matière. Il y avait quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des molécules. Et il y a des atomes. Maintenant, il y a des quarks. Bien, c'est ça, ce sont des concepts. On va de mieux en mieux, mais tout était bon. Comme la Terre, la terre était plate. La Terre était plate, elle est encore plate aujourd'hui, remarque bien, bon. Ça dépend où tu restes. Oui, bien, toi, tu restes près d'Oka, fait que c'est bien. Moi, c'est pas plate chez nous, ça bouge. C'est ça. Donc, la transparence au niveau du concept, c'est ça qui est important. La personne doit être transparente, et la transparence, surtout à ce niveau-là. À tous les niveaux, c'est évident. L'autre loi de l'initiation solaire, c'est la capacité de conserver son énergie. Elle peut se résumer dans un langage humain comme celle-ci, la capacité de ne pas partager son évolution. Je ne parle pas de sa conscientisation. T'appliques ça comment? Partager son évolution... En le faisant. Ça, c'est une bonne façon. Déjà? Ça veut dire ne pas transmettre nos joies ou notre non. C'est pas oui. Une joie non plus, mais c'est une conscientisation de l'évolution. On est en train d'être conscient qu'on évolue, il faut se fermer la gueule. Oui. Moi, j'ai fermé ma bouche. Je peux fermer ta gueule. Bon. Mais ce qui est important, simplement, c'est que ne pas partager son évolution, ça veut simplement dire qu'on pourrait, par exemple, discuter ensemble d'une mécanique évolutive. Mais ne pas partager, ne pas se plaindre, ne pas, oui, mais c'est dur, telle chose. Là, on ne parle pas de mécanique évolutive. On ne parle pas de conscientisation, là. Là, c'est émotif quand on parle de ça. Oui. Là, tu partages ton évolution. L'évolution fait partie de la mémoire. On ne doit pas partager son évolution. Alors, c'est ce qui va faire en sorte que dans l'antique antiquité, on avait amené une des lois qui était apprendre à se taire. Ça ne veut pas dire de ne pas communiquer son savoir. Ça veut dire de ne pas communiquer ce que l'on vit dans le chemin. On va revenir à la deuxième partie, on va donner les 142. Bon. Alors, on fait une petite pause et puis on revient après. Vous avez des questions, vous les écrivez. Tout à l'heure. Thank you.